بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله. Nous allons traiter aujourd'hui, بإذن الله عز وجل, un épître concernant les règles de l'égorgement, les règles concernant la bête à sacrifier, donc pour le jour d'El Eid. Donc comme nous le répétons souvent, comme vous savez tous, Inch'Allah, une adoration ne peut être acceptée que si elle répond à deux critères. Le premier, un critère interne, intérieur, qui est la sincérité. Il faut que cette adoration soit faite uniquement et seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ » Et il ne leur a été seulement ordonné d'adorer Allah azza wa jal en lui vouant un culte exclusif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » Les actes ne valent que par les intentions. « وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى » وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى Et chaque individu aura pour lui ce qu'il aura eu l'intention de faire. Le second critère auquel doit répondre l'adoration pour pouvoir être valide, c'est la conformité à la législation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ » Celui qui invente, donc dans notre religion aussi, quelque chose qui n'en fait pas partie, ceci est réfuté. Dans une version, « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ » Celui qui fait une action dont il n'a pas reçu notre ordre, ceci est réfuté. Donc l'égorgement, de manière générale dans notre charia béni, dans notre législation, est de deux types. L'égorgement par lequel on recherche simplement à obtenir de la viande, donc c'est un sacrifice à travers lequel on recherche la nourriture, et en aucun cas l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le second type de sacrifice, c'est celui par lequel on recherche à taqarrub ila Allah azza wa jal, à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui-ci est une adoration qui doit répondre donc aux deux critères précédemment cités. Et le type de sacrifice que nous allons traiter aujourd'hui est un sacrifice par lequel nous recherchons à se rapprocher d'Allah azza wa jal. Et ce sacrifice qui a lieu bihaulillah azza wa jal, donc le jour de Eid al-Adha, de la part de millions de musulmans dans le monde entier, comme vous savez, l'origine donc de cet acte-là, c'est lorsque notre père Ibrahim, alayhi salam, a reçu l'ordre donc d'égorger son fils Ismaïl. Il a vu en rêve, alayhi salatu wa salam, qu'il égorgeait son fils Ismaïl. Et donc, voulant associer son fils à cet ordre divin, il lui dit, « Ya Bunay, oh mon fils, inni ara fil manami anni adbahuk. » Donc, j'ai vu en rêve que j'étais gorgé. « Fandhur madha tara. » Qu'est-ce que tu en penses ?« Qala ya abati. » Il dit, « Oh père, if'al ma tu'mar. » Fais ce qu'il t'a été ordonné. « Fais ce qu'il t'a été ordonné. » Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Tu me trouveras insha'Allah parmi les patients. Et lorsque Ibrahim alayhi salam vint pour égorger son fils Ismaïl, Allah subhanahu wa ta'ala donna en échange donc de ce sacrifice qu'a voulu faire Ibrahim, lui donna en échange un rachat, une bête à égorger. Une bête à égorger qui était descendue du paradis, comme on dit. Certains exégètes, dans l'explication de la parole d'Allah Azza wa Jalla, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ Et nous lui donnâmes en échange, en rachat, un égorgement énorme, important, immense. Donc nous allons, Inch'Allah, nous allons faire revivre بِحَوْلِ Azza wa Jalla cet acte d'Ibrahim alayhi salam, montrant le sacrifice qu'il a voulu faire par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par soumission à Allah Azza wa Jal. Acte qu'a ensuite légiféré donc Allah subhanahu wa ta'ala pour cette communauté à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en arabe, nous appelons donc cette bête que nous allons sacrifier, al-udhiya. Al-udhiyatu. Et le pluriel donc de ce mot, al-udhiya, c'est al-adahi. Udhiya, ça c'est le singulier. Adahi, c'est le pluriel. Et pourquoi est-ce que l'udhiya a été appelé ainsi? Car c'est tiré de ad-duha, qui est le milieu de la matinée. Comme nous le verrons, cet égorgement ne peut avoir lieu. Donc ce sacrifice-là ne pourra se faire seulement une fois que le soleil se sera levé, le jour d'Al-Eid. Le jour d'Al-Eid. Donc ce sacrifice a pris le nom de la période hein, durant laquelle il se fait de manière majoritaire. Donc ceci, c'est concernant l'origine dans la langue arabe du mot Udhiya. Dans le sens législatif, qu'est-ce que Al-Udhiya? Hiya ma yuzbahu fi ayyam al-adha min bahimati al-an'ami taqarruban ila Allah ta'ala. Donc Al-Udhiya, la bête à sacrifier dans le sens législatif, c'est ce que nous sacrifions, c'est ce que nous égorgeons lors donc, des jours du sacrifice comme bête en recherchant à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est ce qui est égorgé. La définition législative, elle nous permet de mettre en place des critères qui sont importants. Hiya ma yuzbahu, c'est ce qui est égorgé. Donc, s'il n'y a pas égorgement, il n'y a donc pas, en vérité, udhiya. Donc, une bête qui est étouffée, une bête qui est tuée par balle ou autre, n'est pas une bête qui a été sacrifiée dans le sens législatif, comme nous allons le voir en détail ensuite. Fi ayyam al-adha, lors des jour du sacrifice. Donc il y a une période précise que nous allons voir ensuite, pendant laquelle doit avoir lieu ce sacrifice. Et si ce sacrifice a lieu donc avant cette période-là ou bien après, il n'y a donc pas sacrifice dans le sens législatif. Min bahimatil an'am. Donc c'est ce que nous égorgeons durant les jours du sacrifice comme bestiaux. Donc nous verrons qu'il y a des catégories de bêtes qui peuvent être sacrifiés, donc on ne sacrifie pas ce que l'on veut le jour d'Al-Eid. Taqarruban ila Allah ta'ala, donc il faut obligatoirement que ceci soit fait pour rechercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans le sens adoratoire. Donc quelles sont les preuves que Al-Udhiya, le sacrifice, est légiféré dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc d'abord, quand est-ce que Al-Udhiya, ce sacrifice-là, a été légiféré? Ceci a été légiféré lors de la deuxième année de la Hijra. Donc lors de la deuxième année, après la Hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve donc, que cet acte est légiféré dans le livre d'Allah azza wa jal, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Fassalli li rabbika wanhar » « Prie pour ton Seigneur, wanhar » et « Sacrifie ». Qatada, Rahmatullah alayhi, Ata et Ikrima ont dit que le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce verset-là, c'est la prière d'Al-Eid, Fasalli li Rabbika, prie pour ton Seigneur la prière d'Al-Eid, Wanhar, et sacrifie la bête donc du jour d'Al-Eid. Et la preuve dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, du caractère légiféré donc du sacrifice, et le hadith suivant, parmi d'autres, عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه. Donc selon Anas رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a sacrifié deux béliers أملحين. Donc certains savants ont dit que الأملح c'est celui qui est majoritairement blanc avec un peu de noir, et d'autres ont dit c'est celui qui est complètement blanc, aqranaini, donc cornu, possédant des cornes, il les a égorgés avec sa main, il a cité le nom d'Allah, donc a dit Bismillah, wa kabbar, et a dit Allahu Akbar, et il a mis son pied donc sur leur joue, sur le côté de leur visage, donc pour pouvoir les maîtriser, comme nous allons le voir ensuite. Muttafaqun alayh, donc le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Et de même, donc cet acte-là, il est légiféré selon le consensus des savants. Il n'y a pas de divergence là-dessus sur le fait qu'il est légiféré d'égorger, donc pour Eid al-Adha, pour la fête d'Al-Adha. Ibn Qudama a dit dans son livre Al-Mourni, donc Al-Mourni c'est une encyclopédie qui est un point de retour, un livre essentiel dans la bibliothèque du Faqih. Donc Ibn Qudama أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. Donc, les musulmans sont en accord sur le fait que الأضحية, donc le sacrifice de l'Eid, est légiféré. وقال الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر العسقلاني a dit dans son livre فتح الباري لا خلاف في كونها من شرائع الدين. Il a dit, rahimahullah, il n'y a pas de divergence sur le fait qu'elle fait partie des rites de la religion. Donc, قال الشنقيطي أي محمد الأمين رحمة الله عليه في الأضواء et محمد الأمين الشنقيطي a dit dans son tafsir أضواء البيان واعلم أنه لا خلاف في مشروعية الأضحية. Et sache qu'il n'y a pas de divergence dans le fait que l'udhiya est légiférée. Ensuite, il faut savoir que le sacrifice par l'égorgement ou bien un nahr, nous verrons que c'est une forme de, c'est une manière pour tuer le chameau notamment. C'est une tradition de tous les prophètes, alayhumu salatu wassalam. C'est une tradition des prophètes, alayhumu salatu wassalam, qui n'est pas spécifique à notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, comme nous avons dit précédemment, Ibrahim alayhi salam à sacrifier une bête pour Allah Azzawajal. Nous montre cela la parole d'Allah Azzawajal, wa fadaynahu bi dhibhin azim. Et nous lui avons donné donc en échange un immense sacrifice, surat As-Safat, verset 107. En raison aussi de la parole d'Allah Azzawajal, fasalli li rabbika wanhar. Et cette journée pendant laquelle va avoir lieu, inshallah, vont avoir lieu les sacrifices de millions de musulmans dans le monde entier, et la meilleure des journées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le montre le hadith suivant, An Abdillah ibn Qarat an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal, Inna a'azam al-ayyami inda Allah tabaraka wa ta'ala yawmul nahri, thumma yawmul qar, rawahu Abu Daoud. Abdullah ibn Qarat radiyallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la journée la plus importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le jour d'An-Nahr, le jour du sacrifice. Puis, le jour d'Al-Qar. Al-Qar, c'est le jour qui se trouve après le jour du sacrifice, après Yawm An-Nahr, car les gens, yaqirroun fihi biminan. Donc, Al-Qar, dans la langue arabe, c'est le fait de rester quelque part, de garder sa place. Et le jour d'Al-Qar, c'est le jour où les gens restent à Minan. Et c'est la journée, donc, qui suit la journée du sacrifice. Donc les gens vont là-bas et se reposent. Donc la meilleure des journées de l'année est le jour où il y a ces sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une remarque, Ibn al-Arabi, rahmatullah alayh, a dit dans son livre, Aridat al-Ahwadi, « Laysa fi fadli al-udhiyati hadithun sahihun, wa qad rawa an-nasu fiha aja'iba lam tasih. » Il dit, il n'y a pas, donc dans concernant les vertus de la bête à sacrifier, de hadith authentique. Il dit, les gens ont rapporté des choses extrêmement étonnantes à ce sujet qui ne sont pas authentiques. Et nous verrons à la fin, donc, inshallah du dars, certains, à la fin du cours, certains hadiths, donc, qui sont soit faibles ou soit inventés au sujet, donc, des bienfaits, des récompenses, des vertus de la bête à sacrifier. Et nous verrons qu'il n'y a pas de hadith authentique à ce sujet-là. Donc, nous entrons désormais dans un point qui est important, c'est hukm al-udhiya, le statut, donc, de ce sacrifice-là. Est-ce que ce sacrifice est obligatoire ou bien est-ce que ce sacrifice est recommandé? Donc, dans quelle catégorie est-ce qu'il entre? Donc, الأضحية واجبة على المسلم البالغ المقيم الموسر عنه عن أهل بيته. Donc, الأضحية, le sacrifice, والله أعلم, selon l'avis le plus authentique, c'est une obligation. Donc, c'est une obligation pour tout musulman pubère, المقيم, donc qui n'est pas en état de voyage, الموسر عنه, celui qui a, donc, des largesses pour pouvoir se nourrir et nourrir les gens de sa famille. Donc c'est pour celui qui a du surplus dans ses dépenses pour pouvoir acheter cette bête-là. Et si jamais il ne peut pas acheter cette bête-là car il n'a même pas de quoi nourrir sa propre personne ou ses familles, bien sûr que cela le rend exempté donc de cette obligation-là. Et il ne faut pas, comme font certains ignorants, et notamment aujourd'hui nous trouvons cela au Maghreb, des gens qui font carrément un crédit, parfois même un intérêt, pour pouvoir acheter leur mouton. Ça en réalité c'est, Allah a'lam, une preuve de manque de sincérité de ces personnes-là, car beaucoup n'admettent pas et n'acceptent pas le cas, la situation qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Si Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous la pauvreté, alhamdoulillah, l'être humain, bien sûr, déploie ses efforts pour pouvoir, inshallah, chercher sa subsistance et essayer d'améliorer sa situation. Mais si l'Eid, donc, arrive, la fête arrive et que je n'ai pas de quoi acheter cette bête-là, il est interdit, l'iyadou billah, comme font certains, d'aller à la banque et de faire un crédit, subhanallah, pour pouvoir acheter une bête à sacrifier à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière en employant un moyen que lui-même a interdit, et qui est d'ailleurs pire, qui est riba. Riba qui est une kabira min al-kaba'ir, qui est un grand péché. Donc ça, c'est vraiment un fiqh a'waj. C'est une jurisprudence tordue de la part de ces gens-là. Faire une kabira, un grand péché, pour pouvoir concrétiser une obligation. Qu'Allah nous protège de l'égarement, inshallah. Donc la bête à sacrifier est une obligation pour tout musulman pubère qui est résident et donc qui a un surplus concernant ses propres dépenses et les dépenses des gens de son foyer. Donc ceci en raison de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Donc prie pour ton Seigneur, wanhar et sacrifie. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a expliqué ce verset en disant, idhbah yawm an-nahr. Le sens de wanhar et de sacrifice, c'est égorge le jour du sacrifice. Donc c'est un impératif, et la base dans l'impératif, dans le mot d'impératif, lorsqu'il est présent dans un verset d'Allah Azzawajal ou un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, c'est qu'il implique l'obligation. C'est qu'il implique l'obligation, sauf si un indice donc extérieur, que ce soit un autre verset ou un autre hadith, ou un ijma', un consensus des savants, viennent dévier donc cette preuve-là de l'obligation à la recommandation. Mais ici, ce n'est pas le cas, wallahu a'lam. Et cette parole d'Ibn Abbas, expliquant donc la parole d'Allah Azzajal, Wanhar, comme étant Idbah yawm an-nahr, égorge le jour du sacrifice, elle a été rapportée par Al-Bayhaqi Ibn Jarir dans ce tafsir, avec une chaîne de transmission authentique. Et d'autres salaf, rahimahumullah, ont rapporté des explications à peu près équivalentes, comme Ikrimah, Ata, Qatada, Al-Hassan, Al-Basri, Mujahid, Saïd ibn Jubair, rahmatullah ala al-jami'. Cheikh ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, a dit dans son recueil de fatwa, volume 23, page 162 à 165, Wa amma al-udhiyatu fal-adhhar wujubuha ayda. Il dit quant à al-udhiyah, donc la bête à sacrifier, le jour de l'Eid al-Adha, fal-adhharu wujubuha ayda. Ce qui paraît le plus fort, c'est son caractère obligatoire. Fa-innaha min a'zami sha'a'ir l'islam. Fa-innaha min a'zami sha'a'ir l'islam. Car elle fait partie donc des rites les plus importants de l'islam. Wa hiya nusukul 'am fi jami' al-amsar. Et c'est le sacrifice général qui a lieu donc dans toutes les régions. Wa nusuku maqrunun bis-salati fi qawlihi ta'ala. Et c'est le rite, le sacrifice, donc qui a été jumelé à la prière dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna salati wa nusuki. Certes, ma prière et mon sacrifice, wa mahyay et ma vie, wa mamati et ma mort, lillahi, sont pour Allah, Rabbil alamin, le Seigneur des mondes. Wa qad qala Allah ta'ala, et certes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fasalli li rabbika wanhar, prie pour ton Seigneur, wanhar et sacrifie. Fa amara bin nahri kama amara bis salah, il a ordonné le sacrifice, tout comme il a ordonné la prière. Et ce rite-là, donc ce sacrifice, fait partie de la millah, la religion d'Ibrahim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Et par ce sacrifice-là, est évoqué donc l'événement de Adh-Dhabih, donc qui est Ismaïl alayhi salam, lorsque Ibrahim a reçu l'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de sacrifier son fils. فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ يَتْرُكُونَ هَذَا لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ. Il dit, comment est-il permis que tous les musulmans délaissent cela et qu'aucun d'entre eux ne le fasse? Et les paroles du Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi sont longues à ce sujet-là. Et donc il conclut que cet égorgement, wallahu a'lam, est une obligation. Parmi les preuves de la sunna prouvant le caractère obligatoire de ce sacrifice-là, il y a de nombreux hadiths. Nous allons en citer quelques-uns, inshallah. Le premier, le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه ابن ماجه. Abu Huraira radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui donc qui a des largesses, c'est-à-dire de quoi égorger ce jour-là, et qu'il n'égorge pas, et qu'il ne sacrifie pas, qu'il n'approche pas notre musalla. Et la musalla, c'est l'endroit où la prière de l'Aïd va avoir lieu. Le hadith est rapporté par Ibn Majah. Qala al-Shawkani fi Nail al-Awtar, l'imam al-Shawkani, rahmatullah alayh, a dit dans Nail al-Awtar, Nail al-Awtar, c'est un charh. Un recueil de hadith qui s'appelle Muntaqa al-Akhbar. Muntaqa al-Akhbar, ce qui a réuni ces hadiths-là, c'est le grand-père d'Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, qu'on appelle Ibn Taymiyyah al-Jadd. Donc le grand-père d'Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, a réuni des hadiths sur al-Ahkam, sur les règles jurisprudentielles, qu'il a appelé Muntaqa al-Akhbar. Et lui-même, Shawkani, a fait une explication de ce recueil-là qu'il a appelé Nailul Awtar. Donc le même Shawkani rahmatullah alayh, un grand savant du Yémen, a dit: wa wajhu al-istidlal bihi annahu lamma naha man kana dha sa'atin 'an qurban al-musalla idha lam yudhahhi dalla 'ala annahu qad taraka wajiban fa ka'annahu la fa'idata fi at-taqarrub ma'a tarki hadha al-wajib. Donc il dit le même Shawkani rahmahullah, en expliquant donc ce hadith-là que nous avons dit précédemment, il dit: et la preuve donc qui est prise de ce hadith-là, c'est que le prophète alayhi salatu wasalam a interdit à celui qui avait des largesses, donc de quoi sacrifier, il lui a interdit d'approcher donc al-musalla, l'endroit où va avoir lieu la salat al-Eid, car il n'a pas sacrifié de bête. Et ceci donc parce qu'il a délaissé une obligation. Donc c'est comme s'il disait qu'il n'y a pas d'intérêt à venir faire la prière pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant délaissé donc cette obligation qui est le sacrifice. Donc le prophète, en disant à la personne qui n'a pas égorgé le jour de l'Aïd qu'il n'approche pas notre lieu de prière, il fait un avertissement. Et l'avertissement n'a pas lieu si ce n'est pour le délaissement d'une obligation. Mais pour le délaissement donc de quelque chose de recommandé, le prophète alayhi salatu wassalam n'avertit pas de cette manière-là. Mais il ne faut pas comprendre de ce hadith-là et des paroles des savants qui ont été dites précédemment que le fait de sacrifier une bête, donc le jour de l'Aïd, est une condition pour pouvoir valider sa prière. Non, le prophète alayhi salat wa sallam a interdit donc d'approcher le lieu de prière en tant que punition pour celui donc qui n'a pas fait l'égorgement, c'est-à-dire qu'il ne mérite pas de venir s'asseoir avec les gens de bien, comme l'a dit As-Sindi, donc dans sa Hashiya, donc dans son commentaire de Sunan ibn Majah. Donc il ne faut pas comprendre que celui qui ne sacrifie pas de bête voit sa salat annulée. Un autre hadith montrant le caractère obligatoire du sacrifice à faire le jour de l'Aïd, c'est le hadith de Jundub ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu. قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح. رواه البخاري ومسلم. جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه دي. Donc j'ai assisté au prophète صلى الله عليه وسلم le jour du sacrifice qui a dit: celui qui a égorgé avant de prier, donc qu'il fasse un autre égorgement à la place de cette bête qu'il a sacrifié. Et celui qui n'a pas égorgé, qu'il égorge. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et comment est-ce qu'on prend donc le caractère obligatoire de l'égorgement de ce hadith-là? C'est du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné par le mode impératif. فَلْيَذْبَحْ هَذَا مِنْ سِيَارِ الْأَمْرِ فَلْيَذْبَحْ. Donc c'est une formule montrant qu'il y a mode impératif ici, donc obligation, car il n'y a pas de texte donc externe qui permette donc de faire dévier cet impératif-là de l'obligation à la recommandation. Et il a été rapporté qu'Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma donc n'ont pas sacrifié certaines années. Et comme nous avons dit, donc les preuves du Coran et de la Sunna montrent de manière générale qu'il est obligatoire de sacrifier. Donc le fait que les deux califes rahmatullah alayhim radiallahu anhuma n'ont pas sacrifié est interprété par les savants, par diverses interprétations. Parmi celles-ci, le fait que Il n'avait pas les moyens, sûrement ces années-là, de pouvoir sacrifier. Nous avions dit donc que la largesse, c'est-à-dire le fait d'avoir un surplus pour pouvoir sacrifier, était une condition. Donc celui qui n'en a pas les moyens, il ne sacrifie pas, il est exempté. Aussi, certains savants ont dit qu'ils ont sûrement fait cela pour un intérêt, comme par exemple le fait de réprimander les gens qui se vantaient donc par leur sacrifice, parce qu'ils avaient des sacrifices importants et meilleurs que d'autres, parce qu'ils avaient des belles bêtes. Donc les califes délaissaient le sacrifice de temps en temps pour pouvoir éduquer ces gens-là et leur montrer que leur acte était répréhensible. Wallahu alam. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, a dit dans son Sharh Al-Mumti', donc c'est un Sharh d'un texte de jurisprudence Hanbalite qui s'appelle Zad Al-Mustaqni', il dit: Wal-qawlu bil-wujubi lil-qadiri qawiyun likathrati al-adillati al-dallati ala inayati al-shari'i wa ihtimamihi biha. Il dit, la parole, donc disant qu'il est obligatoire donc de sacrifier une bête pour celui qui en a la capacité, donc cette parole est forte, il dit, en raison de ses nombreuses preuves qui montrent donc que le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, a donné de l'importance à cette notion-là. Donc nous avons ici donné seulement certaines preuves. Il y a beaucoup plus de hadiths montrant le caractère obligatoire donc du sacrifice du jour de l'Aïd. Un autre point, mimma takunul udhiya. Qu'est-ce que l'on va sacrifier comme bête donc pour l'Aïd? Donc, al-udhiya, les bêtes à sacrifier, doivent obligatoirement faire partie de ce qu'on appelle en arabe bahimatul an'am. Bahimatul an'am, les bestiaux qui sont al-ibil, les chameaux, al-baqar, les bovins, et al-ghanam, les ovins. Donc, al-ghanam, les ovins, tashmalu ad-da'n, wa hiya dhawatu as-suf, wa al-ma'is, wa hiya dhawatu ash-sha'r. Donc, al-ghanam, les ovins, réunissent deux types. Ad-da'n, ce sont donc ceux qui ont de la laine, donc ça va être le bélier, l'agneau et l'agnelle, le bélier et la brebis, l'agneau, l'agnelle. Ou al-ma'iz, ce sont ceux qui ont des poils, donc ça va être les boucs et les chèvres. Donc il n'est pas permis de sacrifier un cheval, par exemple. Et de même, des volatiles, il n'est pas permis de sacrifier une poule, un coq, une dinde ou autre. Hein, toutes ces choses-là, il n'est pas permis de les sacrifier, bien qu'elles soient halal, licites à la base. Mais le sacrifice al-udhiya étant une ibada, une adoration, nous avons dit qu'elle doit répondre à deux critères, la sincérité, mais aussi la conformité à la législation. Et la ibada étant tawqifiyya, la ibada ne doit se faire qu'après avoir obtenu une preuve de la part du législateur. Donc, quel est le type de bête à sacrifier? Qui nous donne la réponse à cette question? C'est la législation. Nous ne pouvons pas sacrifier ce que l'on veut par goût ou par envie. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc qui nous disent ce qui est permis ou non d'être sacrifié. Donc nous avons dit que bahimatul an'am, les bestiaux, sont al-ibil, les chameaux, al-baqar, les bovins, al-ghanam, les ovins. Il n'a pas été rapporté au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a eu de sacrifice avec autre chose. Et non plus au sujet des compagnons, il n'a pas été rapporté que les compagnons radiyallahu anhum ont égorgé donc autre chose. L'imam Malik rahmatullahi alayhi a dit: wala yudhaha bi shay'in min al-wahsh wa at-tayr. Et il n'est pas permis donc de sacrifier une bête sauvage, donc une bête qui serait halal à la base, mais qui vit dans la nature à l'état sauvage. Et de même, les volatiles, il n'est pas permis de les sacrifier ce jour-là, donc pour l'udhiya. Et il n'est permis donc de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement par l'an'am, les bestiaux qui ont été légiférés. L'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi, a dit: naqala jama'atun إجماع العلماء أن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك. L'imam Nawawi a dit, donc un groupe de savants ont rapporté le consensus des savants sur le fait que le sacrifice n'est valide que s'il a été fait avec donc des chameaux ou bien des bovins ou bien des ovins, et que aucun autre animal donc ne valide le sacrifice. Nous arrivons ensuite à un point important. Est-ce qu'il est obligatoire d'égorger donc que des mâles, obligatoirement un mâle, ou bien est-ce qu'il est permis d'égorger un mâle comme une femelle? L'imam Nawawi rahmatullah alayhi a dit dans Al-Majmou'. Al-Majmou', c'est aussi une grande encyclopédie donc de fiqh. Al-Majmou' fi sharh al-Muhadhab. يصح التذكية بالذكر وبالأنثى بالإجماع. Donc le sacrifice est valide, est authentique, qu'il se fasse avec un mâle ou une femelle, et cela selon le consensus. Donc l'imam Nawawi nous rapporte ici une information importante qui est qu'il y a consensus des savants de l'islam sur le fait que le sacrifice d'un mâle est valide tout comme le sacrifice d'une femelle. Car beaucoup de personnes pensent que sacrifier une femelle, cela n'est pas valide, ce n'est pas authentique. Mais le fait de sacrifier un mâle est mieux que sacrifier une femelle, car c'est ce que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu dans le hadith de Anas radiallahu anhu précédemment. Une remarque, le mieux, donc c'est que le musulman délaisse donc la brebis qui produit du lait, en raison du hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, an an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a qal, iyyaka wal haloub, rawahu muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais attention donc à la brebis qui donne du lait. Le hadith est rapporté par Muslim. Et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été dite dans un contexte. Donc une fois, Abu Bakr radiallahu anhu, de par la faim, est sorti dehors. Et de même, Omar radiallahu anhu. Ils se sont rencontrés. Ensuite, ils ont rencontré aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont rencontrés tous les trois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé ma akhrajakuma. Qu'est-ce qui vous a fait sortir de chez vous? Ils ont dit la faim. Il a dit oh Allah, que moi aussi, c'est votre raison qui m'a fait sortir de chez moi. Puis après, ils sont partis chez un Ansari, un habitant de Médine. Donc il les a reçus. Et quand il les a vus, il a été heureux. Il a dit Alhamdulillahi. Il a dit, la louange est à Allah. Il n'y a personne aujourd'hui qui a des invités plus honorables que moi. Puis il est parti, il est revenu avec de la nourriture et il a voulu sacrifier donc pour eux une bête. Et le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, Iyyaka wal haloub. Donc fais attention à ne pas égorger donc une brebis qui donne du lait. Donc il est mieux que le musulman évite cela, wallahu a'lam. Un autre point, est-ce qu'il est permis donc de sacrifier une bête qui est enceinte? Donc c'est permis, Allah a'lam, en raison du hadith d'Abi Sa'id radiyallahu an, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a qal, zakatul janini zakatu ummih, rawahu at-Tirmidhi. Le hadith est authentique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'égorgement donc du petit qui se trouve dans le ventre est l'égorgement de sa mère. Donc lorsqu'il y a eu égorgement de la mère. Ensuite, donc ce petit qui se trouve dans le ventre est halal. On n'a pas besoin de l'égorger à son tour, sauf s'il sort vivant. S'il sort mort, à ce moment-là, l'égorgement qui a eu lieu pour la mère est un égorgement donc pour ce petit, comme l'indique ce hadith. Donc s'il sort mort, c'est comme si c'était une cuisse ou une épaule ou tout autre membre du corps de la maman. En revanche, si jamais il tombe et il est encore vivant, alors à ce moment-là, il faut obligatoirement l'égorger. Il faut obligatoirement l'égorger pour qu'il soit halal. Et donc, parmi ces bestiaux qui ont été cités précédemment, qu'est-ce qui est le mieux? Quel est l'ordre de préférence à égorger? Donc, ce qui est le mieux, c'est Ad-Da'n. Donc, ce sont les ovins. Donc, le bélier, l'agneau, la brebis. Ça c'est concernant donc ceux qui ont de la laine. Donc ça c'est mieux que El Meri, ceux qui ont des poils, c'est mieux que le bouc et la chèvre. Puis ensuite il y a les bovins, donc la vache, le bœuf. Puis ensuite il y a El Ibil, les chameaux. Donc d'abord Ad-Da'n, donc ceux qui comportent de la laine, bélier et brebis. Ensuite il y a El Meriz, donc le bouc et la chèvre, c'est ce qui est poilu. Puis ensuite, al-baqar, donc les bovins, bœuf, vache. Puis al-ibil, les chameaux. qu'ils soient mâles ou bien femelles. Et les mâles sont mieux que les femelles. Selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين رواه البخاري. أنس رضي الله عنه. Comme vous savez, il était au service du prophète صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qu'il dit? Le prophète صلى الله عليه وسلم sacrifiait deux béliers. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين. Donc ici, il nous dit quelque chose qu'avait l'habitude de faire le prophète صلى الله عليه وسلم. Il ne nous dit pas qu'il l'a fait une fois ponctuellement, mais il avait l'habitude donc à chaque fois pour l'Eid de sacrifier deux béliers, kabshayn wa ana udahi bi kabshayn. Et il a dit ensuite, et moi je sacrifie aussi deux béliers. Le hadith est rapporté par al-Bukhari. Il n'y a pas de doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ce qu'il y a de mieux, avec la possibilité bien sûr, comme on sait dans la péninsule arabique à l'époque, d'avoir un chameau ou bien d'avoir des bovins. Le prophète alayhi salatu wa sallam a sacrifié deux béliers, ce qui montre bien que c'est ce qu'il y a de mieux, wallahu a'lam. Et ça, c'est l'avis qui a été choisi par l'imam Malik, rahmatullah alayhi. L'imam Shawkani a dit, rahimahullah, dans son livre As-Sayl al-Jarrar, « Mulazamatuhu sallallahu alayhi wa sallam li tadhiyati bil-kabshi ou bil-kabshayni, bil-kabshi ou il-kabshayni ma'a wujoudi li-ibili fi asarihi wa katharatiha yadullu ala afdaliyatiha fil-udhiyah. » L'imam Shawkani dit le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam donc s'est astreint tous les ans de sacrifier un bélier ou bien deux béliers, avec la présence des chameaux à son époque, et surtout leur abondance, ceci montre donc que le sacrifice des béliers est ce qu'il y a de mieux à faire. Et qu'est-ce qui nous montre donc le fait de sacrifier des bovins est prioritaire et mieux que sacrifier des chameaux? C'est le hadith de Aïcha radiallahu anha, dans lequel elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié pour ses épouses donc des bovins. Daha an azwajihi bil baqar. Le prophète alayhi salatu wa sallam a sacrifié pour ses épouses al baqar, donc des bovins, rapporté par al-Bukhari et Muslim. Donc le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam ait sacrifié des bovins alors qu'il y avait beaucoup de chameaux à l'époque montre que le fait de sacrifier un bœuf ou une vache est prioritaire sur le chameau, Allahu a'lam, est meilleur. Maintenant, concernant donc l'âge des bêtes à sacrifier. Sinu al-dahiyya, ou sinu al-udhiyya. L'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi, a dit « Ajma'at al-ummatu ala annahu la yujzi'u min al-ibili wal-baqarati wal-ma'izi illa al-thani wa la min al-da'ni illa al-jadha. » Donc il dit l'imam al-Nawawi que la communauté est en accord unanime sur le fait que le sacrifice n'est validé que si on sacrifie en chameau, en bovin ou bien en maïs, donc ce sont les boucs et les chèvres, athani. Et nous allons voir qu'est-ce que athani. Et parmi adan, donc les bêtes qui ont de la laine, qui sont donc les béliers et les brebis, al-jad'u. Il faut obligatoirement sacrifier ce qu'on appelle al-jad'u. Et nous allons voir à quoi est-ce que cela renvoie. Et de même, Al-Qadi Iyad, rahimahullah, a rapporté donc Al-Ijma' le consensus sur le fait que le sacrifice n'est valide concernant Ad-Da'n, donc les bêtes à laine, qui sont le bélier et la brebis, si seulement sont sacrifiés Al-Jadh, donc il faut obligatoirement Al-Jadh, donc pour le bélier et la brebis, et nous allons voir qu'est-ce que Al-Jadh et qu'est-ce que Al-Thani. Et dans le Muwatta de l'imam Malik, avec une chaîne de transmission authentique, عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوق. Donc نافع rapporte que Abdullah ibn Omar رضي الله عنهما disait, donc pour les bêtes à sacrifier, والبدن, c'est-à-dire la chamelle, الثني, il faut obligatoirement une bête الثني, donc qui a eu ces deux ans et rentre dans la troisième, فما فوق, et au-delà de cela. Donc qu'est-ce que الجذع, qui est donc l'âge minimal qu'il faut pour pouvoir égorger une bête de la catégorie d'Adda'n, qui est donc le bélier, ainsi que la brebis. Donc tout ce qui comporte de la laine. Al-Jaz'u. Al-Jaz'u, en fait, c'est une période. Une période pendant laquelle il y a un changement donc d'état dans la bête. Et cette période-là, elle est différente, suivant est-ce qu'on parle de bovin, d'ovin ou autre. ou bien de chameau, ou bien quelle que soit la bête, al-jadh. Donc c'est une période qui est différente suivant l'animal. Ici on parle de al-jadh, donc qui est la période concernant ad-da'n, nous avons dit le bélier et la brebis, donc les moutons. Donc le al-jadh, en réalité, ce n'est pas un âge précis. Ce n'est pas un âge précis, même si certains fuqaha l'ont estimé à 6 mois concernant ad-da'n. Et en réalité, c'est un état, c'est une limite, un moment durant lequel il y a un changement d'état. Tout comme al-bulugh, la puberté. La puberté, donc c'est une limite, c'est le passage d'une période à une autre. La puberté, elle peut avoir lieu à 12 ans chez un enfant, comme elle peut avoir lieu à 13, 14, 15 ou 16. Donc en réalité, c'est un changement d'état. Tout comme al-hayd, les menstrues. Les menstrues, ce n'est pas un âge. On ne dit pas à tel âge on a les menstrues. Dans les menstrues, c'est lorsqu'il y a eu écoulement de sang. Ça peut avoir lieu à 10 ans, comme ça peut avoir lieu à 13, 14 ou autre. Donc, de même, el-jadh, en réalité, certains savants ont dit que c'était un an, d'autres ont dit que c'était 6 mois. Mais en réalité, ce n'est pas, wallahu a'lam, une date précise. Donc, certains savants, comme l'imam al-Khiraqi, il a dit. Sami'tu abi yaqul. L'imam al-Khiraqi a dit, j'ai entendu mon père dire. Sa'altu ba'd ahli al-badiyati kayfa ya'rifuna ad-da'na idha ajza'a. L'imam al-Khiraqi a dit, j'ai entendu mon père dire. J'ai demandé donc aux gens de la campagne. Donc aux gens de la campagne qui sont expérimentés et qui savent cela, comment est-ce que vous savez que ad-da'n, donc le bélier ou bien la brebis, il est arrivé à l'état de jadh. Il a dit La tazal as-sufatu qa'imatan 'ala dhahrihi ma dama hamla fa idha namat as-sufatu 'ala dhahrihi 'ulima annahu qad ajza'. Il a dit tant que donc les gens de la campagne, les expérimentés disaient que tant que la laine elle est encore ébouriffiée, élevée, elle est encore bien levée sur son dos, c'est encore un tout petit. Comme on voit la laine bien blanche, bien élevée, bien volumineuse sur le dos des tout petits chevreaux. Elle a une certaine qualité que l'on connaît bien. Et dit, lorsque ensuite cette laine-là, elle s'abaisse, elle s'affaisse, elle tombe, à ce moment-là, on dit donc que le mouton est devenu un jadah. Mais bon, nous n'ayant pas cette expérience-là, il vaut mieux suivre la parole des fuqaha qui ont mis donc une date précise. Certains disent que c'était un an, d'autres ont dit que c'était 6 mois. Cheikh Al-Uthaymeen choisit cet avis-là et d'autres. Donc, Inch'Allah, pour pouvoir critérier, Inch'Allah, le choix des musulmans, il faut mettre une date parce que nous n'avons pas, nous, cette expérience qui nous permet de savoir est-ce que l'agneau est encore tout petit ou bien il est passé à l'état de jadh. Donc, bihawlillah azza wa jal, concernant les ovins, c'est l'âge de 6 mois, hein, au minimum qu'il faut. Et le mieux, c'est un an pour sortir de la divergence. Mais c'est vrai que, notamment en France, en Europe, c'est pas facile parfois d'avoir une bête qui a un an. Souvent, les paysans les vendent bien avant. Mais il faut faire attention, Inch'Allah, bien demander quand est-ce qu'a eu lieu la portée, donc à la personne chez qui on achète notre bête, et qu'elle ait au moins, Inch'Allah, 6 mois. Et comme vous le savez, lorsque l'on parle de mois, donc dans la législation musulmane, ce sont des mois lunaires qui sont pris en compte. Ce sont des mois lunaires et non pas solaires. Donc ça, c'est concernant les ovins. Et quelle catégorie d'ovins? Ad-da'n, donc les béliers et les brebis. Concernant al-ma'iz, il faut que ce soit un thani. Et les savants ont dit c'est celui qui a complété 2 ans et qui entre dans la troisième année. Et d'autres ont dit c'est celui qui a fini 1 an et entre dans la deuxième. Et c'est ce qui est le plus connu et le plus propagé. Donc il faut que le bouc ou bien la chèvre ait terminé 1 an et qu'il entre dans sa deuxième année. Concernant les bovins, donc bœufs et vaches, il faut que cette bête-là ait terminé 2 ans et qu'elle entre dans la troisième. Et concernant les chameaux, il faut qu'il ait fini 5 ans et qu'il entre dans la sixième. Et la preuve concernant ces différents âges que nous avons cités, concernant ces différents bestiaux, est le hadith de Jabir radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tazbahu illa musinna, n'égorgez donc qu'une bête musinna, qui est donc la bête thani, Donc, il doit répondre aux âges qui ont été dits tout à l'heure. Illa an ya'sura alaykum fatadhbahu jadha'atan min ad-dhan. Sauf si vous ne pouvez pas, alors vous pouvez égorger une jadha'a parmi ad-dhan, donc le bélier, ou bien la brebis. Donc, n'égorgez pas si ce n'est une moussinna. Et donc, el-moussinna, concernant donc le bouc et la chèvre, nous le répétons, c'est celui qui a terminé un an et qui rentre dans la deuxième. Concernant le bœuf et la vache, c'est celui qui a terminé 2 ans et entre dans la troisième. Et concernant le chameau, c'est celui qui a terminé 5 ans et qui entre dans sa sixième année. Et concernant donc le bélier et la brebis, nous avons dit que l'âge minimum c'est 6 mois. Hein, concernant donc l'explication de Al-Jada'a. Certains ont dit d'autres périodes, mais le minimum qui a été rapporté par les savants, c'est 6 mois. Mais le mieux, Wallah alam, c'est d'égorger un bélier, un mouton ou bien une brebis ayant plus d'un an pour sortir de la divergence. Mais celui qui fait, qui choisit une bête ayant 6 mois, Inch'Allah, parmi ces catégories, mais celui qui égorge donc un ovin de 6 mois, c'est accepté, Inch'Allah. Mais nous répétons, c'est concernant le bélier et la brebis. Donc, l'ensemble de ces animaux-là qui ont de la laine. Les moutons, ce qu'on appelle les moutons, nous, d'une manière générale. Mais le bouc et la chèvre, ce qui est poilu, c'est un an obligatoirement et plus. Cette dérogation des 6 mois, c'est simplement pour le mouton. Et pas pour les autres animaux. Et donc, ces âges, hein, ce sont des âges minimums. Ensuite, si jamais on égorge au-delà de ces périodes, alhamdoulillah, c'est permis. Donc c'est 6 mois minimum, après, même si c'est une vieille bête, c'est accepté, mais il faut bien sûr sacrifier une jolie bête pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous arrivons ensuite à un chapitre qui est important concernant donc les défauts hein, que peut avoir une bête, et est-ce que ces défauts sont donc conséquents sur la validité de ce sacrifice ou non?